Do you want that song? Do you want my banana? Girl, banana. Chocolat, vanilla, banana. Je n'ai pas d'amis que des frères, j'ai des fans et des macos. Je me suis démarqué, j'ai pas le feu de démarco. Les jaloux ont maigri, ils ont les os sous la peau. Je m'en vais déjà dans ma grosse villa à Monaco. Ma chère presse, ma chère capot, tu sais faire comme un chapeau. Baby, laisse-moi écraser tes fesses sous le capot. Tu n'as plus d'esprit, tu veux me faire porter le chapeau. Voilà couronne, je fais pipi sous ton château. Do you want that song? Do you want my banana? Girl, banana. Chocolat, vanilla, banana. Do you want that song? Do you want my banana? Girl, banana. Chocolat, vanilla, banana. Je n'écoute pas ce que les gens disent, as-tu déjà ouais manqué? Même si tu as ton gardien, ça m'empêche pas de manquer. Je deviens chacal quand tes jambes sont hockey. Je suis avec Chaka, 212 narco, bébé. Je fais de beaux bébés. Ma lac a prospéré pendant zot lac a gobé. Ma lettre qui à la bouteille, pas lettre qui est goblé. Je veux faire le blé, même si ça va pas me combler. Do you want that song? Do you want my banana? Girl, banana. Chocolat, vanilla, banana. Do you want that song? Do you want my banana? Girl, banana. Chocolat, vanilla, banana. Do you want that song? Banana. Girl. Banana.